Chapitre 3e, le départ. « Madame, voici les déménageurs, » dit Naniche en passant sa tête par ma porte entrebâillée. « Hélas, voici également ma plus pénible journée, celle du départ. J'écarte les rideaux et je regarde dans la rue, pluie battante. Le ciel est couleur de suie, la boue des pavés, couleur d'encre. Les gouttières des toits ruissellent le long des façades et rejaillissent sur le vent des boutiques avec un clapotement maussade et monotone. Les fiacres, aux capotes miroitantes, roulent en lançant des éclaboussures fongeuses aux vitres des étalages. Des parapluies affairés courent et se heurtent au bord des flaques d'eau des trottoirs. Le temps fait un accompagnement à souhait à mes ennuis et à mes tristesses. Déjà hier, j'ai eu à subir une scène désagréable qui m'a donné un avant-goût des amertumes d'aujourd'hui. J'avais été prévenir M. Laguépierre que mon nouvel appartement était prêt et que je comptais déménager le lendemain. Je l'ai trouvé dans sa chambre, occupé à se raser. « je sais », a-t-il répondu en gonflant ses joues sous le savon. « Eh bien, pars, qui t'en empêche ?» Il y eut un moment de silence qu'il a mis à profit pour s'essuyer le menton et s'enfariner de poudre de riz. « Ah, tu t'en vas », a-t-il repris en ricanant et en promenant la houppe de cygne sur ses maigres joues. « C'est bien de toi, cela. Tu me crois fini, et tu me laisses là comme un vieux citron dont on a exprimé le jus. Mais patience. Un jour, je serai désanguignonné. Mon affaire des galions de Vigo va me donner des millions, et tu seras bien aise, alors de revenir te chauffer à mon foyer. Au surplus, s'est-il écrié en agitant dramatiquement les bras, tu n'es qu'une ingrate, une femme qui avait un mari, dont elle aurait dû être si fière. Car enfin, malheureuse, que te manque-t-il donc? Tout. Ce sont des mots, cela, a-t-il repris en haussant les épaules. Puis voyant mes yeux humides, tu pleures, grosse bête. Allons. « Ne prends pas les choses au tragique. Imite-moi et sache faire bonne mine à mauvais jeu. La déveine ne durera pas. Au lieu de geindre, apprête tes affaires. Fais-toi belle. Je t'emmène chez Brébant et de là au spectacle. Nous aurons l'air d'être en partie fine et ce sera piquant. À quel théâtre veux-tu aller ?» Je n'y tenais plus. Le cynisme de cet homme me révoltait et je me suis enfui dans ma chambre. Mais il m'y a suivi en me réitérant ses offres de spectacle. Après avoir cherché à me tenter par une perspective de plaisir, il sait que le théâtre est mon faible, il a essayé de me toucher en me jouant une scène de sentiment. Il m'a répété qu'il m'adorait, que j'étais tout pour lui, et m'a supplié de rester à son foyer. Tout cela sonnait faux, et je suis demeuré insensible, enfoncé dans mon fauteuil, les lèvres closes et les yeux cachés dans ma main. Alors, comme ses phrases tendres ne réussissaient pas à m'émouvoir, il s'est mis en colère et m'a injurié. Même silence impassible. De guerre lasse, ayant usé tous les tours qu'il avait dans son sac, il est allé achever sa toilette dans sa chambre. Il en est sorti pimpant, avec son air conquérant des grands jours, faisant claquer les portes et sonner ses talons sur le parquet. Je suis resté seul, occupé à préparer mes paquets. J'ai dîné au coin de mon feu et j'ai mal dormi. Ce matin, tandis que le pas lourd des déménageurs résonne dans l'antichambre, j'endosse à la hâte ma robe de laine noire et je procède au triage des meubles. Au terme de la liquidation qu'a suivi ma séparation de biens, tout le mobilier de la communauté m'a été attribué en paiement de mes reprises. J'ai compris depuis que c'était un expédient imaginé par M. Laguépierre pour parer aux saisies de ses créanciers. Légalement, tout ce qui est ici m'appartient, mais j'ai déjà prévenu mon mari que je me borderai à prendre le strict nécessaire et que je lui laisserai le reste. Je dirige moi-même le travail des déménageurs. Tandis qu'on enlève le buffet et la table de la salle à manger, j'entends M. Laguépierre qui se lève et tracasse dans sa chambre. Le spectacle de ces premiers meubles qui s'en vont me serre le cœur. Je songe à ce que le terrible amour-propre de mon mari doit souffrir, et en dépit de mes rancunes, je m'apitoie sur le sort de cet homme qui, par sa faute, va se trouver seul, sans femme, sans amis, dans cet appartement à demi-meublé. Je profite de l'instant où il passe dans son cabinet de toilette pour déposer en tapinois dans sa chambre les portraits de ses ancêtres, les descendants du valet de trèfle, que je ne tiens pas à emporter. Puis, toujours en sourdine, je glisse dans ma poche ma photographie qui est sur la cheminée. Je ne veux plus vivre avec lui, mais m'en effigie, et je remplace mon image par un petit portrait de sa mère qui se trouve dans le salon. Il arrive sur ses entrefaites, hausse les épaules et cogne les meubles sans souffler mot. Il s'est fait beau, malgré cet affreux temps de pluie. Il a revêtu son triomphant pantalon gris perle et le voilà qui se donne un coup de fer. Puis l'endosse sa redingote d'homme sérieux, la boutonnière de laquelle le ruban de l'ordre du Christ s'étale avec des airs de la Légion d'honneur. Il veut sans doute me donner des regrets et me faire bien voir ce que je perds en le quittant. Tout en s'adonisant, il va et vient et siffle avec conviction la valse de Faust. Il ne fait pas grâce d'une mesure et soigne ses rentrées avec un art véritable, s'interrompant un instant pour arracher un poil blanc oublié ou pour parachever son nœud de cravate, puis, reprenant l'air, juste au point où il l'a quitté, il devient langoureux, presque sentimental. Enfin, quand il se trouve suffisamment tiré à quatre épingles, il s'arrête sur un point d'orgue, coiffe son chapeau et sort, en criant à la cantonade qu'il rentrera dans une demi-heure. Pendant ce temps, je continue ma besogne. Je fais un lot des objets qui pourront lui servir ou de ceux auxquels il tient particulièrement, et je range le tout dans le salon dont je lui laisse le mobilier et où son buste en plâtre trône sur un pied douche de velours grenat. Quand il rentre, mes rangements seront à peu près terminés. Il jette un coup d'œil curieux à travers l'appartement dont les portes sont grandes ouvertes et pousse un grognement sourd. « Merci, murmure-t-il, tu ne te gênes pas. Tu as fait maison nette, tu pars monter jusqu'aux dents, tu emportes tout. » La criante injustice de cette observation m'exaspère et tirant de ma poche une liasse de papier rose que je lui tends. « Non, dis-je agacé, je n'emporte pas tout. Je vous laisse ces papiers, ce sont les reconnaissances de mes bijoux que vous avez engagés. » Il sursaute, d'un air vexé, balbutie et prend néanmoins les reconnaissances qu'il serre précieusement dans son portefeuille. « Oh, je te rendrai cela au centuple, » réplique-t-il avec aplomb. « La veine me revient, et dans peu je roulerai sur l'or. » Puis, avec le geste protecteur d'un prince qui donne un million, il me remet un billet de 100 francs. « Voici, » ajoute-t-il, « pour ton argent de poche. D'ici à 8 jours, je t'en enverrai d'autres. » Ce billet me pique les doigts. La nécessité où je suis d'accepter l'argent de cet homme m'humilie cruellement et me fait monter les larmes aux yeux. Il relève la tête, aperçoit mes larmes et se méprenant sur la cause de mon chagrin. « Tu pleures. Est-ce parce que tu as peur de la pauvreté ?»« Ah, ma chère, tu as mangé ton pain blanc le premier. Tu vas tâter de la vache enragée. Tu as méconnu le meilleur des maris, l'homme généreux, digne et fier, un homme auquel on devrait élever des statues et auquel on en élèvera un jour. C'est moi qui t'en donne ma parole. Et quand tu passeras devant, tu pourras dire « Celui-là était méconnu par moi. Méconnu !» Tout cela est déclamé avec des bras jetés en l'air, des roulements d'yeux et un ton théâtral qui me ferait éclater de rire si je n'avais le cœur si gros. Je ne réplique rien. Je reste anéanti, assis sur mon canapé, tandis que des larmes coulent lentement sur mes joues. Il arpente la pièce comme un premier rôle qui remonte la scène, puis revenant vers moi, un peu embarrassé de mon silence et de mes larmes. « Si tu pleures, reprend-il, c'est que décidément, tu n'as pas assez d'argent. Veux-tu encore un Napoléon ?» Il le tire de son gousset et le jette négligemment sur mes genoux. Cette fois, l'indignation mérite les nerfs. Je ramasse la pièce d'or et la lance à l'autre bout de la chambre, puis me levant et m'approchant de lui tandis qu'il recule, décontenancé. « Vous vous trompez, » lui dis-je. « Si je pleure, c'est moins sur moi que sur vous. Je pleure parce que je prévois que lorsque je ne serai plus là, vous roulerez de sottise en sottise jusqu'à la ruine et pire encore. Ma présence ici seule vous faisait supporter par quelques honnêtes gens. Je vous retenais sur la pente effrayante où vous glissez. J'étais votre bon sens, votre jugement et votre honorabilité. Et c'est parce que je comprenais cela que je suis resté si longtemps près de vous. Je pleure, parce que moi parti, vous serez abandonné de tous. Vous n'aurez plus ni conseil ni ami, et j'ai la faiblesse de vous plaindre. » Mais Lancelot de la Guépière ne veut pas être plaint. La pitié des autres est une mortelle injure pour son incurable vanité. Il se rebiffe, lève de nouveau les bras au ciel et reprenant sur son ton mélodramatique « Oh, quelle femme ! Quelle femme ! » s'écrie-t-il. « Non, ce n'est pas une créature humaine, c'est un serpent, c'est un monstre. Moi, la Guépière, abandonnée, moi, duquel tout Paris est fier de serrer la main, mais malheureuse, sans toi je serais au pinacle, entends-tu ? Si tu avais voulu me seconder avec ton imagination, ta beauté, ton esprit, car tu as des qualités, j'en conviens, moi. si tu avais eu confiance. À nous deux, nous aurions soulevé le monde. » Il porte la main à son front et simule le geste de s'arracher ses rares cheveux frisés et ramener avec amour. « Quand on pense, poursuit-il en agitant sa canne, quand on pense au mal que je me suis donné pour la rendre heureuse, aux montagnes que j'ai escaladées, aux tempêtes que j'ai essuyées. Et c'est quand je suis à la veille de toucher au port qu'elle me fausse compagnie. Car j'y touchais au port, j'y touchais. J'avais tourné les derniers obstacles. » Et avec le bout de sa canne, sur le parquet, il se met à dessiner des obstacles. J'avais louvoyé ici et là, et j'apercevais le port. Il marque en rond le point du plancher où se trouve ce port idéal. Je me disais, le voici, j'y arrive et... Faut-il emballer le buste du monsieur ? Crie tout à coup du bout du salon un déménageur. Monsieur Laguépierre, interrompant brusquement sa démonstration topographique et relevant sa canne, ne me donne pas le temps de répondre. « Certainement !» s'exclame-t-il d'un ton péremptoire. Je fronce le sourcil et il me lance un regard de défi avant de se remettre à la recherche de son port. Mais il est écrit que ni mon nouveau domicile ni la postérité ne connaîtront le rare morceau de sculpture qui représente l'anseau de Laguépierre, les cheveux en coup de vent, la tête haute et la main enfoncée dans sa redingote boutonnée. Au moment où mon mari, rabaissant sa canne, médite une nouvelle figure de rhétorique, patatras, un fracas et un jurement nous attirent dans le salon. C'est le buste en plâtre que le déménageur a laissé choir et qui se trouve réduit en miettes. Monsieur Laguépierre, consterné, reste bouche béante. Moi, malgré mes préoccupations, je dissimule mal un sourire dans un coin de mes lèvres. Il s'en aperçoit, s'emporte, prétend que je suis cause de l'accident et que j'ai soudoyé les déménageurs pour anéantir cette œuvre d'art. Puis, après avoir injurié ces derniers, qui lui rendent la monnaie de sa pièce, il enfonce son chapeau sur sa tête et s'esquive en grognant. Lui dehors, le déménagement s'achève sans autre incident notable. Naniche est parti en avant pour recevoir les meubles au fur et à mesure de leur arrivée dans mon nouveau gîte. Quand tout est enlevé, je me décide à m'éloigner à mon tour. Mais avant de sortir, je parcours encore une fois l'appartement, suivi de mon chat qui pressent quelque événement grave et m'escorte avec de petits miaulements mélancoliques. Les portes béantes, les fenêtres sans rideaux, les pièces vides et redevenues d'une sonorité étrange, la paille épars sur le parquet, tout cela un aspect d'abandon navrant. La seule chambre restée intacte, celle de M. Laguépierre, fait encore mieux apparaître le vide du reste du logis. Tous les meubles de cette pièce semblent me crier « C'est fini, tout est fini !» Et je me sens prise pour le malheureux Laguépierre de cette profonde pitié qu'il m'inspire toujours quand je ne l'ai pas sous les yeux. Je mets un peu d'ordre dans sa chambre pour qu'elle lui paraisse moins désolée lorsqu'il rentrera. Puis, prenant Mititi dans mes bras, je descends l'escalier, je passe rapidement devant la loge du concierge et me voilà dans la rue. Il pleut toujours. Abritant mon chat sous mon parapluie, je remonte la rue Bonaparte, le cœur serré, ne pensant plus à rien. N'ayant plus dans la tête que ces deux mots qui me reviennent machinalement, régulièrement, comme le tic-tac d'un balancier de pendule. C'est fini, fini, fini. L'appartement que j'ai loué m'a été recommandé par l'abbé Mico, que j'ai revu plusieurs fois, et qui s'est montré réellement très bon dans toutes ces tristes conjonctures. Mon nouveau home est situé à l'extrémité de la rue Cassette, au deuxième étage d'un vieil hôtel délabré, dont les fenêtres donnent sur les jardins de l'ancien couvent des Carmes. Quand j'y arrive, tout est déjà déballé et jeté pêle-mêle dans trois petites pièces, très haute de plafond, qui semble encore rapetissée par le désordre qui règne partout. Je n'ai plus de courage à rien. Assis sur un panier de déménageurs, mon chat dans mes bras, je regarde autour de moi d'un air effaré. Je me sens misérable et je suis prise d'un frisson. Tout ce qui m'entoure a un aspect si étrange et si inhospitalier. Le papier de tenture est sombre. À travers la longue fenêtre nue, j'aperçois des cimes d'arbres sans feuilles, qui se balance lamentablement sous le vent et la pluie. Maintenant que je suis débarrassé du voisinage de M. Laguépierre, cette nouvelle vie où je vais entrer mes frais. Je ne suis plus rien, ni fille, ni femme, ni veuve. Me voilà passé à cet état équivoque et neutre de femme séparée. Pour la première fois, je vais avoir la responsabilité de mes actes. Il me semble que tout à coup j'ai pris 20 ans de plus, et j'envisage avec épouvante cette indépendance que j'ai mis tant d'acharnement à conquérir. bien que M. Laguépierre n'ait jamais été, tant s'en faut, un homme de bon conseil. L'idée de n'avoir plus désormais à compter que sur moi me saisit et me terrifie. Je ne vois plus que le côté désolant de ma position, cette liberté pleine de périls contre lesquels je me sens insuffisamment armé. Je ne regrette point le parti que j'ai pris, seulement j'ai peur. Et puis, il y a la question d'argent qui m'inquiète. Je ne crois guère aux promesses de M. Laguépierre, et d'ailleurs, il me répugne de recevoir quelque chose de lui. Il est déjà humiliant de vivre avec l'argent d'un homme qu'on méprise, mais c'est pire quand on a des doutes sur la source plus ou moins pure d'où lui vient cet argent. Quand j'étais sous son toit, à son foyer, comme il dit, j'avais déjà des scrupules et me considérais presque comme la complice morale de ses spéculations hasardeuses. Aujourd'hui, que la séparation est accomplie, je rougirais bien davantage de lui devoir le vivre et le couvert. J'ai la ferme résolution de travailler, mais je sais combien il est difficile à une femme qui a été élevée dans des habitudes mondaines de trouver à gagner sa vie. Pourtant, il va falloir chercher, se remuer, courir la ville, et je me sens désorienté et sans force. Tandis que je m'enfonce dans cette douloureuse méditation, des voix jeunes et des rires frais résonnent de l'autre côté du mur qui me sépare de mes colocataires. Ce sont les enfants de mes voisins. D'après ce que m'a dit l'abbé Micou, le mari est sous-chef au culte et la femme est un peu plus âgée que moi. Ce sont des gens pieux et bien pensants, et l'abbé a sans doute espéré que cet édifiant voisinage me serait d'un bon exemple. J'entends par moments le remue-ménage familier de leur intérieur, un bruit de table qu'on dresse et de vaisselle qu'on étale pour le déjeuner. Quelqu'un, la petite fille sans doute, fait des gammes au piano. Do, ré, mi, fa, sol. Les sons s'égrènent, montent et descendent avec ça et là un accro ou une fausse note, et la voix de la maman qui gronde puis s'adoucit. Dans ce train-train d'un ménage paisible, bourgeois, régulier, où il y a des enfants et une vie de famille sérieuse, me remémore encore plus vivement la tristesse de ma situation. Mon cœur se serre cruellement lorsque, reportant les yeux sur mes quatre murs nus, sur mes pauvres meubles épars, je contemple cette demeure inconnue où je vais vivre désormais seul, toute seule.